Excellence de Marie et son culte, suivi d'instructions familières sur le Magnificat, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, passionniste. Traduit de l'italien par Effigie Labis, Casterman, 1856, volume 2, troisième partie, instruction pour les principales fêtes de la Très Sainte Vierge. Markem d'Anarchivorg, d'après Books Google et faire licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Première instruction pour la fête de l'Immaculée Conception de Marie, le 8 décembre. Le monde était enseveli dans une nuit profonde et noire, privé de la lumière qui, seule, peut nous faire apercevoir la vérité et guider nos pas vers le ciel. Les malheureux enfants d'Adam prévaricateurs gémissaient accablés sous le poids des chaînes du péché, et sous le dur esclavage de l'enfer. D'un autre côté, le fier tyran se glorifiait d'avoir remporté la victoire, il croyait s'être assuré de sa proie, appuyé sur cette loi incontestable que dans tout combat le vaincu est assujetti au vainqueur, et que celui-ci règne en maître sur son adversaire, confère 2 Pierre 2, 19. Mais pourtant le Dieu des miséricordes n'avait pas tout à fait délaissé la race prévaricatrice, et il ne permit pas aux démons de demeurer à jamais maître du champ de bataille. Il prononça contre lui cette mémorable sentence, qui procura autant de consolation aux coupables que de frayeur aux tyrans victorieux, « Je susciterai des inimitiés éternelles entre toi et la femme, elle t'écrasera la tête. » Genèse 3, 15. Que veut dire par là le Très-Haut? Ne perdez pas courage, OF prévaricatrice, vous êtes tombée. Vous avez reculé devant l'ennemi, vous vous êtes laissé vaincre par lui, mais reprenez courage une autre femme, semblable à vous par nature, mais de mœurs bien différentes, réparera les pertes que vous avez faites. Et toi, tyran superbe, frémis d'épouvante, je tiens dans mes trésors celle que j'ai prédestinée pour t'écraser la tête. C'était là, on ne peut le nier, une ancre de salut pour le monde antique, un point d'appui qui devait l'empêcher de s'abandonner entièrement à l'impétuosité des flots et des vagues, et de se laisser absorber par l'abîme du désespoir. Mais, hélas, cette sublime créature ne paraissait pas sur la terre. Déjà 4000 ans s'étaient écoulés depuis que la promesse avait été faite, et l'on n'en voyait point encore l'accomplissement. Que de gémissements, que de soupirs s'échappaient du cœur des patriarches. « À quand ? » s'écriait-il, « quand s'ouvriront les cieux, quand paraîtra la belle aurore, avant courrière du soleil ?» Isaïe, Vulgate 64, 1. « Consolez-vous, ô patriarches, et vous, ô terres, réjouissez-vous et revêtez un autre aspect, voici le temps où vont s'accomplir les divines promesses. Le Très-Haut s'est souvenu enfin de la parole qui avait fait trembler l'orgueilleux Lucifer, et rempli d'espérance nos premiers parents. Il a abaissé sur la terre un regard propice, et il a contemplé deux saints époux qui soupiraient, peut-être avec plus d'ardeur que tous leurs ancêtres, après le moment des miséricordes du Seigneur. Il contemple Anne brillante dans sa maison, tandis que Joachim son époux se dirige vers le temple, il accueille leurs supplications, il les trouve agréables à ses yeux, et il veut en faire les instruments du grand ouvrage qu'il allait accomplir. Mais, hélas, Anne est stérile depuis longtemps, et, humainement parlant, il n'y a plus d'espoir qu'elle puisse devenir mère. Rassurez-vous, rien n'est impossible au Tout-Puissant. Il se plaît souvent à employer les instruments les plus impropres pour exécuter les plus grandes merveilles, afin que nul ne se glorifie en sa présence. 1 Corinthiens 1, 29. Anne donc, quoique stérile, conçoit dans son sein, elle conçoit une belle et brillante aurore, l'aurore du soleil de justice, Marie Immaculée. Ah déjà je vous vois, ô Vierge pure, déjà je vous admire dans ce sein stérile, c'est vous, oui, c'est vous qui êtes cette femme si ardemment désirée par les patriarches, si vivement redoutée par le serpent infernal. C'est vous dont le pied immaculé et pur a écrasé ce front superbe. Non, non, vous n'avez jamais été vaincu par ce fier tyran, vous n'avez jamais été son esclave, votre front n'a jamais été courbé sous son joug. Sinon à quoi se réduirait la magnifique promesse que Dieu fit de susciter des inimitiés entre vous et Satan ? Le Seigneur n'a pas dit qu'il ferait cesser votre assujettissement à l'égard du démon, mais il a dit qu'il y aurait entre vous et lui une inimitié perpétuelle. S'il y a une inimitié toujours, vous ne lui fûtes donc jamais unis, puisque nous ne pouvons ni ne devons limiter les promesses divines. Si vous avez été destiné à lui écraser la tête, il ne lui fut pas permis de vous l'écraser le premier, autrement la défaite de l'ennemi ne serait ni aussi humiliante pour lui, ni aussi glorieuse pour la main qui, en vous créant, vous destine à en triompher. Ô chère, ô douce, ô aimable enfant, que, vous êtes belle. Oui, vous êtes toute belle, non pas belle seulement en partie, mais belle sous tous les aspects, parce qu'il n'y a en vous aucune tache, aucune difformité, Cantique 4, 7. Ô mon cher frère, vous qui lisez ces pages, serviteur et enfant chéri de Marie, répétons-le dans la joie de notre esprit, et avec toute l'effusion de notre cœur, répétons-le, puisque Dieu nous l'a dit suffisamment. Et que la Sainte Église nous permet de l'entendre dans le sens que nous venons d'exposer, disons avec confiance de ne pas nous tromper, vous êtes toute belle, ô Marie, et la tâche originelle n'est point en vous. Non, ô cher enfant, il n'y a pas en vous la moindre souillure, vous êtes belle, et toute belle, vous êtes belle et toujours belle, jamais on ne vit aucune tâche en vous. Mais, hélas, comme la joie que me cause votre beauté est subitement changée en tristesse, quand je considère ma propre laideur, qu'elle m'apparaît hideuse en comparaison de votre pureté, ce serait peu pour moi, si j'ose le dire, d'avoir contracté la souillure du péché originel, mais combien d'autres tâches sont venues défigurer et souiller la blanche robe, dont Dieu m'a revêtu sur les fonds sacrés du baptême. Et vous, mon cher frère, que dites-vous, que pensez-vous de vous-même? Ai-je craint que vous n'ayez à partager ma confusion pour avoir été mon compagnon dans le péché? Mais quelle est donc la résolution que nous avons à prendre? Si nous avons péché jusqu'à présent, ne péchons plus à l'avenir. Tâchons de nous conserver purs et nets, sinon comme le fut Marie, du moins autant que le comporte notre fragilité naturelle. Plus à Dieu que nous ne dussions plus commettre aucune faute, mais quoi que nous fassions, nous en commettrons toujours. Notre faiblesse est si grande, faisons en sorte au moins que notre malice ne lui soit point égale. Que, veux-je dire par là? Si nous ne réussissons pas à éviter absolument toute espèce de faute, évitons du moins les manquements délibérés, quelque légers, quelque petits qu'ils puissent nous paraître, plus de fautes, quelque légères qu'elles soient, plus de fautes délibérées et réfléchies, plus de fautes commises par malice, avec les yeux ouverts, de sang froid, et à tête reposée. Telle est la résolution que nous devons prendre, car c'est là ce que Marie demande de nous, et c'est aussi ce qu'exige notre bien-être spirituel. Arrêtons-nous un moment à ces considérations et faisons-en notre occupation en ce jour. C'est le premier tribut d'obéissance que nous devons à Marie, notre bonne mère. J'ai dit que Marie réclame de nous la ferme résolution d'éviter de tout notre pouvoir les fautes réfléchies et délibérées, commises, non par pure fragilité, mais par l'effet d'une véritable malice et d'une volonté perverse. C'est bien là ce qu'exige la très sainte Vierge de tous ses enfants. C'est un devoir indispensable pour tous les enfants de cette auguste mère d'être ses imitateurs, et de lui devenir semblables, pour autant qu'il leur est possible. Il semble que, s'adressant à nous tous, elle répète les paroles de l'apôtre, 1 Corinthiens 4, 16, « Mes enfants, soyez mes imitateurs, comme je l'ai été de Jésus-Christ, mon Fils. » Mais que veut dire l'imiter? Cela veut dire qu'il faut conformer notre conduite à la sienne, le plus que nous le pouvons. Un disciple est dit imiter son maître, quand, se le remettant sous les yeux comme son modèle, il s'efforce de travailler exactement de la même manière que lui. On ne prétend pas que le disciple d'un excellent peintre, la première fois qu'il prend en main le pinceau, dessine avec autant de délicatesse que son maître, travaille avec la même perfection que lui, ce n'est pas là ce qu'on prétend. Sans cela il n'y aurait plus de maître. On souffrira donc qu'il fasse quelques bévues, qu'il tire quelques lignes de travers, pourvu toutefois que ces méprises ne soient point volontaires, mais on ne souffrirait pas également qu'il l'ait commis à dessein, et qu'il prétendit sciemment travailler d'une manière toute différente de celle que lui a enseigné son maître. De même, mon cher frère, Marie, notre mère et notre maîtresse dans la voie de la perfection, ne prétend pas que nous agissions avec une perfection égale à la sienne, car cela nous est impossible à cause de notre fragilité. Elle tolère donc les erreurs que nous commettons, lorsqu'elles sont purement l'effet de notre incapacité et de notre faiblesse, mais elle ne peut supporter avec la même facilité que nous nous jetions tout exprès de travers, et que nous voulions à dessein prendre une route différente de celle qu'elle a suivie. Or, voilà précisément ce que nous faisons en offensant Dieu de propos délibérés. Non seulement nous errons, mais nous voulons errer, et nous choisissons l'erreur, non seulement nous agissons différemment de Marie, qui jamais ne commit la moindre faute, ainsi que nous l'avons démontré dans la première partie de cet ouvrage, mais nous voulons agir autrement qu'elle. Et vous semble-t-il, mon cher frère, que ce soit là une conduite à supporter dans un disciple? Ne voyez-vous pas qu'embrasser une telle manière d'agir, c'est déclarer que nous ne voulons pas être assujettis à sa direction? À nous nous glorifions d'avoir Marie pour mère, nous l'invoquons sous ce beau titre, nous faisant gloire d'être reconnus et estimés pour ses enfants. Mais Jésus pourrait nous dire, toutes les fois que par malice nous agissons contrairement aux exemples de sa divine mère, si vous êtes les enfants de Marie, imitez la conduite de Marie, Jean 8, 59, tout au contraire, en péchant par pure malice, vous faites voir que vous n'êtes pas, et que vous ne vous souciez pas d'être ses enfants. Mais de qui donc le sommes-nous? Seigneur, Jésus nous le dit nettement, en péchant de propos délibérés, vous vous montrez les enfants du diable, Jean 8, 44. Ne nous privons donc pas, mon frère, du titre glorieux d'enfant de Marie, et épargnons à cette bonne mère tant de sujets d'affliction. Nous ne lui en donnerons que trop par suite de notre fragilité, N'y ajoutons pas ceux de pure malice. Une mère tendre et pleine de sollicitude fait promener son petit enfant, lui apprend à marcher, lui recommande de ne pas tomber. Mais que voulez-vous? La faiblesse de l'enfant et sa légèreté sont grandes, il veut courir, il heurte et tombe, ce n'est pas qu'il ait l'intention de tomber, ou de se faire mal. C'est un pur effet de sa faiblesse et de son inconsidération qui l'empêche de mesurer ses pas et d'éviter soigneusement les obstacles. La mère n'a garde de se fâcher à cause de cet accident, au contraire, la compassion de son petit enfant le prend entre ses bras et le caresse encore. Mais son cœur maternel ne serait-il pas profondément affligé si elle remarquait que son fils se laisse tomber, non par faiblesse, ou par légèreté, mais avec la maligne intention de contrister sa mère, s'il allait même jusqu'à ramasser de petits cailloux pour les lui lancer, et lui causer de véritables injures? Aucune telle conduite affligerait ce cœur maternel. Combien donc? Nous aussi nous affligeons le cœur plus que maternel de Marie, lorsque nous venons à tomber, non par fragilité, mais par malice. Quelle peine nous lui causons, lorsque, nous tournant contre elle, nous osons la charger de coups. Or, c'est justement ce que nous faisons, quand nous péchons avec pleine délibération, nous nous tournons avec insolence contre notre mère. Nous la frappons, non pas au corps, ce dont elle ne tiendrait pas compte, mais à la partie la plus intime de son cœur maternel, parce que nous offensons Jésus, qui est le cœur de son cœur, l'âme de son âme. Ne me dites pas que vous vous abstenez de donner la mort à Jésus, parce qu'enfin la faute que vous voulez commettre n'est pas mortelle. Laissant pour le moment toute autre considération, je vous prie de peser ceci. N'est-ce rien à votre avis, de donner, je ne dis pas la mort, mais un soufflet seulement, ou un coup quelconque à Jésus, et cela volontairement, et avec une méchanceté réfléchie, et cela sous les yeux de sa tendre mère, que, vous appelez, aussi bien que Jésus le premier-né d'entre vos frères, du doux nom de mère? À pouvez-vous en venir à un tel excès d'audace? Jérémie 3, 5. Vous l'avez pu, mon cher frère, je crois que cela eût été impossible, si vous aviez vu de vos propres yeux cette aimable mère, serrant sur son sein son enfant premier-né plus aimable encore. Je crois que non seulement vous vous seriez abstenu de donner la mort à ce cher enfant, mais que vous n'auriez pas même eu la hardiesse de lui faire la plus légère insulte. Vous ne le voyez pas des yeux du corps, il est vrai, mais contemplez-le des yeux de la foi, contemplez Jésus sur le sein de Marie qui s'adresse à vous, 2 Rois 18, 5. Ô mon fils, vous dit-elle, ô enfant de mon cœur, enfant de mon amour, si vous m'aimez, si vous voulez vous montrer mon véritable enfant, à ne maltraiter jamais plus mon bien-aimé Jésus. Mon cher frère, cessons donc d'outrager Jésus, de contrister Marie, renonçons à toute faute réfléchie et délibérée, gardons-nous-en à tout prix. C'est le premier fruit que Marie veut recueillir de notre dévotion envers elle. Gardons-nous de toute faute, en second lieu, parce que notre bien-être spirituel l'exige. En commettant des fautes de propos délibérés et de sang-froid, de quel bien ne nous privons-nous pas, et pour quel abîme de mots? Entre les biens dont nous nous privons, le principal est la paix du cœur, cette douce et sainte allégresse qui prouve les vrais fidèles, les amis de Dieu, paix qui surpasse tout sentiment, qui rend facile et agréable le joug de la loi de Dieu, paix dont celui-là seul peut connaître le prix qu'il a goûté, et en a fait l'expérience. Mais comment pourrait-il jouir de cette paix celui qui offense volontairement son Dieu? À peine Jésus fut-il né, qu'on entendit les chœurs des anges annoncer, par leur suave concert, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, non pas à tous les hommes, mais aux hommes de bonne volonté. » Luc 2, 14. Désirons-nous cette paix? Oui, nous la désirons, me répondez-vous? Eh bien, il est en notre pouvoir de la posséder. Remplissons-nous la condition et ayons cette bonne volonté dont parlent les anges. Mais comment pourrait-on appeler de ce nom la volonté de celui qui aime le péché, qui non seulement pêche, mais nourrit la volonté de pécher? Si le péché est opposé et contraire à Dieu, vouloir pécher, c'est donc vouloir se mettre en opposition et en contradiction avec Dieu. La volonté de pécher est une volonté contraire et opposée à ce souverain Seigneur de toutes choses. Pourrait-on dire qu'une telle volonté soit bonne? Non, certainement, il faut l'appeler criminelle. Qu'on n'espère donc pas jouir de la paix qu'annoncèrent les anges, comme fruit de l'incarnation du Verbe divin, tant qu'on ne déposera pas l'envie de pécher, tant qu'on ne se dépouillera pas de cette opposition au Dieu de toute majesté. Voilà, mon frère, la source de nos chagrins et de nos peines journalières. Inutilement nous en cherchons la cause ailleurs, en vain nous nous efforçons d'en attribuer l'origine à des malheurs, à des ennemis envieux et méchants. Le malheur, car il n'en est qu'un, c'est notre péché, l'unique ennemi, c'est notre affection au péché. Déposons-la, et nous éprouverons aussi cette paix si avidement désirée de tous, et que si peu néanmoins recherchent comme ils doivent. D'un autre côté, si nous nous efforçons de ne commettre aucune faute réfléchie, que faisons-nous? Nous attirons sur nous les regards de Dieu et les ineffables bienfaits qu'il répand à pleine main dans les cœurs qui se gardent des moindres offenses contre sa divine majesté, dans les cœurs de ses serviteurs fidèles, qui se montrent tels, non seulement dans les grandes occasions, mais aussi dans les petites et jusque dans les moindres. Ces petites marques de fidélité ont coutume de procurer à l'âme les grâces les plus précieuses, et des bénédictions sans nombre, parce que vous avez été fidèles dans les petites choses. Je vous établirai sur de beaucoup plus grandes, entrez dans la joie de votre Maître. Matthieu 25, 21. Que de grâce ne répandrait pas le Seigneur et sur nous et sur les autres, si nous étions tels que nous devrions être. Mais si, comptant de nous éloigner tout au plus des fautes évidemment mortelles, nous prenons plaisir à pécher avec les yeux ouverts, n'en espérons rien. Ce sera beaucoup que Dieu n'en vienne pas à nous refuser les grâces communes. Quant aux faveurs spéciales, ne les attendons pas. On usera à votre égard de la mesure dont vous vous serez servi vous-même. Matthieu 7, 2. Êtes-vous généreux envers Dieu? N'en doutez pas, il ne se laisse jamais vaincre en générosité. Mais si vous êtes avare, compassé, restreint, Dieu se montrera de son côté compassé et resserré à votre égard, ainsi privé des secours extraordinaires. Vous serez arrêté dans la voie de la perfection. Vous serez incapable de prendre aucun accroissement. Toutefois, il est quelque chose de plus dangereux à craindre, c'est que vous ne veniez enfin à faire une chute mortelle et à perdre la grâce que vous avez présentement. Celui qui méprise les petites fautes tombera facilement dans les grandes. Ecclésiastique 19, 1. Celui qui se plaît à jouer avec tous les serpents qu'il rencontre, tombera facilement sur quelque vipère qui lui fera une blessure mortelle. Rien n'arrive plus aisément. Toutes les fois que vous pouvez vous former la conscience que dans telle action il n'y a pas péché grave, Vous la commettez à l'instant et sans crainte, mais dites-moi, croyez-vous qu'il soit si facile de toujours se former une conscience droite? Je crains bien qu'il soit plus facile que vous ne le pensez de donner dans une erreur qui pourrait vous être fatale, en prenant pour une simple faute vénielle, ce qui est plus grave. Saint Augustin dit qu'il y a une témérité extrême à prétendre fixer dans toutes les matières la limite entre le péché véniel et le mortel, parce que c'est là une chose absolument impossible. Or ce qui paraissait impossible à Saint Augustin, qui pesait tout au poids du sanctuaire, oseriez-vous le croire facile pour vous, qui bien souvent faites usage de la balance trompeuse de l'amour propre? Ne serait-ce pas une témérité sans pareille? Vous pouvez donc vous tromper, et une fois dans l'erreur, vous voilà perdu, d'autant plus facilement que vous ne vous apercevrez pas même de la disgrâce que vous aurez encourue. Après cela, quel espoir de salut et de vie pourrait-il vous rester? Si le premier pas vers le pardon est le repentir, et si le repentir suppose la connaissance du mal commis, vous qui ne le connaissez pas, comment vous en repentirez-vous? Et n'en ayant nul repentir, comment pourrez-vous en obtenir le pardon? Il faudrait que Dieu vous fît une grâce d'un ordre supérieur, pour vous découvrir le déplorable état où vous êtes. Je sais que Dieu peut le faire quand et comme il lui plaît, mais voudra-t-il le faire à votre égard? Voudra-t-il être aussi prodigue de ses grâces envers vous qui avez voulu être aussi resserré à son égard? Oh, qu'il y aurait à craindre qu'il ne vous abandonnât dans votre misérable état! Et alors, vous voilà perdu à jamais! Ne croyez pas, mon frère, que ce cas n'arrive que rarement. Je vous assure au contraire qu'il est peut-être plus fréquent qu'on ne le pense. Si nous pouvions nous courber un instant au-dessus de l'abîme de l'enfer, et de là si nous voulions demander à tous les chrétiens qui s'y trouvent par où a commencé leur perte, je suis sûr que tous répondraient d'une commune voix qu'elle eut pour principe la négligence des petites choses, et le mépris qu'ils en firent, c'est-à-dire les fautes légères, mais commises avec les yeux ouverts, et à tête reposée. Elles ont commencé par arrêter le cours des faveurs célestes, elles ont refroidi leur charité, elles les ont disposées aux chutes mortelles, qui leur devinrent si fatales. Si nous ne voulons pas en venir à ces extrémités, défions-nous des principes qui pourraient nous y conduire. Gardons-nous de toute offense délibérée et réfléchie contre Dieu, fuyons le péché, comme on fuit le serpent, Ecclésiastique 21:2. On ne fuit pas seulement le serpent quand il est grand, mais encore quand il est petit. Prenons la sage résolution que prit saint François de Sales dans sa jeunesse, lorsqu'il étudiait le droit à Padoue, rien contre Dieu, non. Jamais plus d'offense ni grande, ni petite, plus rien, absolument rien contre Dieu. C'est ce que Marie demande de nous, c'est ce que réclame notre propre avantage, comme nous l'avons vu. Que ce soit donc là le premier fruit de dévotion que nous ayons à offrir à l'Immaculée Mère de Dieu, qui est aussi notre Mère. Ô Vierge sans tache, quelle offrande plus agréable pourrais-je vous faire au jour de votre immaculée conception, que celle d'un cœur qui désire être pur et sans tache, autant que le comporte notre fragilité, à l'imitation de votre très immaculé cœur? Nous ne parviendrons jamais à égaler votre blancheur, mais nous voulons au moins en approcher d'aussi près que possible. Songez donc, nous vous en prions, à nous obtenir de votre divin Fils la grâce de tenir à l'engagement que nous venons de prendre, et que nous renouvelons en votre présence. Rien, jamais rien contre Dieu.